una vegada més estem a Hola La Music. Salutacions cordials a càrrec de Rafael Corbí. El vostre programa de música en francès. Hola La. Anem per la música i els records ràpidament i per no perdre temps, anem escoltant bones cançons, bons ritmes de l'actualitat i del passat de la música en francès. Benvinguts i benvingudes. Escoltem a la Tamara més coneguda com a Shin. Des del 2014, amb aquest àlbum preciós que portava el nom de Solitària. Personne ne rigole, je n'ai peur du ridicule que si l'on ne me trouve plus folle. Soyons malins, rusés et peut-être idéalistes. Maman disait que nos rêves parfois rien les réalise. Qu'on me baïonne, qu'on me taise ou qu'on me laisse dire ce qui me plaît. Qu'on me pardonne. Je veux rire, je veux crier haut et fort. Toutes mes conneries, mes délires. À tort ou à raison, on verra. Il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous. Et rien à foutre ce qu'ils pensent de nous. On me baïonne, on me taise. Ou qu'on me laisse dire ce qui me plaît. On me pardonne. Éclats de rire sont nos complices. Cançons d'aquesta excel·lent intèrpret, la Shim, com us comentàvem. La Shim va néixer com a Tamara Marthe el 28 de novembre del 1985 a Traps, a França, i és una cantant de música pop. Va sortir a la fama amb el seu àlbum 2006, amb el seu àlbum de debut, Les meves fantasies, i des de després en va publicar àlbums com el del 2008, Reflets, el Prendre l'aire, amb el 2010 i Camaleón el 2012. Avui estem escoltant cançons d'aquesta grandiosa artista. A mi m'encanta la seva música, que era el Solitaire, aquest àlbum que va publicar el 2014, i de fet d'ell escoltem les quatre cançons que varen sortir com a senzills aleshores. C'est gris, triste et la scène, les piles sont de sortie, et leurs histoires sont les miennes. Voilà quand Paris me gêne, quand je ne peux pas oublier, y a comme un manque d'oxygène, mais j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Oh, allez viens, viens, viens, on s'en va. Tant pis, j'ai pas l'heure et je sais pas où on va. On dira qu'on est pas loin, qu'on est même juste là. Je m'en fous, partons quelque part. Une guitare, une tequila. Allez viens, viens, on s'en va. Oreilles des soi-disant muets et qui les chantent au réveil. Oh, la belle symphonie dont je ne reconnais pas l'air. Funambule, je cherche la sortie pour retrouver l'air. Mais j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Allez, allez, viens, viens, viens, on s'en va. Tant pis, j'ai pas l'heure et je sais pas où on va. On dira qu'on est pas loin, qu'on est même juste.

així hem escoltat aquesta petita intèrpret que estimava la dansa quan era una joveneta, però que després, a poc, va començar a cantar i enregistrar algunes maquetes que va enviar a diverses cases de discos, i la casualitat va fer que en Camaro les escoltés i immediatament es va enamorar musicalment d'aquesta baileta que al llarg dels anys ens ha acompanyat amb una música excepcional. Prova d'això el que avui hem descobert a través del seu àlbum Solitaire del 2014. La Shim s'anomena professionalment. D'una veu femenina passarem amb una veu masculina. Des del 1989, el desaparegut intèrpret Pierre Bachelet, que va néixer el 25 de maig del 1944 i que va morir a l'edat de 60 anys, el febrer del 2005, cantant i compositor, amb una veu molt romàntica. És un personatge carismàtic que va debutar en el món de la música amb Ma Camison el 1975, que després va enregistrar molta cosa per la llibreria musical i que va editar el seu primer àlbum d'estudi el 1975. Avui ens aturarem al 1989 en Quelque Part. És l'àlbum que destacarem i del qual escoltarem les 5 cançons que van sortir com a senzill en el seu moment, començant amb aquest disc de platí per la cançó L'home de blanc. Il embrasse la terre à genoux sur le sol comme on fait sa prière. Et même les officiels ne savent plus quoi faire avec leur vieux discours, leur tenue militaire. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu, que la terre est rouge quand on le voit si blanc, comme un bateau qui bouge sur la marée des gens. Et les mots qu'il prononce dans les haut-parleurs sont des coups de semonce qui leur vont droit au cœur. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grands des écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. Plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des mille. Dieu, que la place est noire quand on le voit si blanc, comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens. Qu'il annonce aux peuples à genoux, c'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il poursuit son voyage infatigablement. Dieu, que le ciel est bleu quand on le voit si blanc, comme une voile qui bouge sur la marée des gens. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Il y a deux enfants qui sont assis sur le bord d'un trottoir. Il est 5 heures et l'école est finie. Ils se racontent des histoires. Pour toi la vie, dis-moi, c'est quoi, dit le petit? Manger des glaces, etc., répond le grand. Moi j'aime les glaces, mais j'aime pas trop les cetera. Je préfère 100 fois le chocolat. Là, là, pleure pas, boulou. Là, là, là, on changera tout. Moi c'est mon père qui est pas commode. Un verre de trop et c'est parti. Je passe la nuit derrière la commode. Les voisins appellent la police à cause du bruit. Chez moi peut-être c'est plus sympa, répond le petit évidemment. Mon vieux il est parti de chez moi. Maman dit qu'il ne me manque pas. Moi j'aimerais qu'il soit encore là. Là. Là, là, là, on changera tout. Là, là, là, pleure pas, boulou. Là, là, là, on changera tout. Tu sais, ma mère, elle a toujours les larmes aux yeux. Il y a des jours où je voudrais comprendre. Tu sais, les vieux, ça les rend dingues d'être des vieux. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Plus on est grand et plus c'est pire, moins c'est marrant. Moins on est gai et moins qu'on se marre, évidemment. Moins qu'on est petit et plus c'est moins qu'on n'est pas grand. Et c'est pour ça qu'elle est si triste. Et puis voilà, là, là, pleure pas, boulou. Là, là, là, on changera tout. Là, là, là, pleure pas, boulou. Là, là, là, on changera tout. Salut petit, il faut que je rentre, dit le plus grand. Reste avec moi encore un peu, dit le petit. Il faut que j'attende encore dehors un bon moment. Ma mère ne rentre que vers les 8h30. Il y a deux enfants qui sont assis sur le bord d'un trottoir. Il y a un grand et un petit à côté de lui. Adieu petit mec. À demain si t'es encore là, là, là, pleure pas boulou. Là, là, là, on changera tout. Là, là, là, pleure pas boulou. Là, là, là, on changera tout. Là, là, là, pleure pas boulou. Là, là, là, on changera tout. Là, là, là, pleure pas boulou. Là, là, là, on changera tout. Thank you. Flo, c'est bien le nom que tu voulais. Toi qui ressembles à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux. Pierre, t'es comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Ils se quittaient déjà. Pierre, quand mon voilier s'envole sur l'eau, j'ai l'impression d'être un oiseau, mais j'ai le cœur sans illusion. Pierre, t'as le nom d'un caillou qui affleure, où pourrait naufrager le cœur. Danger pour la navigation. Flo, même si la pluie te mouille parfois, les vagues tournent autour de toi, c'est toi qui les mènes en bateau. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Ils se quittaient déjà. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. La tercera de les cançons que escoltaven d'aquest àlbum d'Empire Bachelet, un personatge carismàtic en el món de la música, que ens portava aquest seu vuitè àlbum d'estudi, publicat el 1989, enregistrat a l'estudi del Palau de Congressos, i que va ser publicat originalment amb un doble àlbum de vinil, un caset de 18 títols i amb un compacte de 17 títols. Hi havia una de les cançons que no es va tornar a publicar en format de CD fins al 2015, On Se Verra seria la cançó que no havia figurat en la primera edició en compacte. En doble disc, com dèiem, en vinil, el primer disc Celebrant la Mar, el segon Celebrant la Terra. I com heu pogut escoltar amb aquesta cançó, marcat per la presència de la navegadora, també desapareguda ja, Flo, que ells s'anomena Flo i Pierre, amb les cançons Florence Arzó, per tres de les cançons que s'hi troben incloses. Amb 18 cançons, l'àlbum és el més ampli, més llarg, de més durada, de tot el que va publicar l'artista. Escoltem Yeah Yeah Les Tambours i Le Diversois, són dues de les cançons que també van sortir en format de senzill en el moment de publicar aquest àlbum de Pierre Bachelet. La tête sur l'oreiller. Yeah, yeah, les tambours, pourquoi vous jouez comme des souris? qui ricane, odeur de pétrole, discours et banderole. Yéyé les tambours, pourquoi vous cognez comme des sous? Yéyé les tambours, pourquoi se tenir au secours? Poussez pas devant, on va se casser les dents. Attention derrière, on va casser les barrières. Fanfarée des cybères, on n'a même plus les pieds au fond de nos souliers. L'amour n'est pas de bois, la vie est une rivière qui déborde parfois. J'ai fait tant de méandres que je m'y suis perdu. Si vivre c'est attendre, alors j'ai bien vécu. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. J'avais un seul ami, on me l'a emmené. Parti en Algérie, resté sous les lauriers. Je n'aurai plus sans doute de rire, de compagnon. Je suis seul sur ma route avec mes illusions. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. J'ai cru en trop de choses, justice et liberté, mais le bon Dieu propose et l'homme est compliqué. On se bat pour des ombres qui se dérobent toujours, mais vaincus par le nombre, on désespère un jour. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. Pour une belle éclusière, j'ai largué les amarres. Le temps d'une rivière, le temps d'une bagarre. Sous le fond des soupirs, elle m'a laissé tomber. Je n'ai de son sourire qu'une photo déchirée. Rentrez chez vous la foule, il n'y a rien à voir. ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Rentrez chez vous, la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Rentrez chez vous, la foule, il n'y a rien à voir. Ce n'est que l'eau qui coule au déversoir. Le cœur n'est pas de pierre, l'amour n'est pas de bois. La vie est une rivière qui déborde parfois. J'ai fait tant de méandres que je m'y suis perdu. Si la vie c'est attendre, alors j'ai bien vécu. Aquesta és la música, aquesta és la companyia de Hola La Music amb Rafael Corbí, amb la música en francès, i la companyia d'en Pierre Bachelet, que l'acabem d'escoltar amb aquestes cançons. Abans havíem fet el mateix en Xim, i en el programa d'avui, de fet, ja hem sobrepassat la meitat del nostre programa, punt en el qual habitualment escoltem la col·laboració de l'Àngel Rodríguez. A veure què ens porta avui amb aquesta edició número 78 ja d'aquest espai de Hola La Music. Escoltem, doncs, a l'Àngel Rodríguez. Benvingut, Àngel. Hola, Rafael, com estàs? T'imagines com ha de ser el vol d'un signe? Le vol des signes és el títol d'una exitosa cançó treta l'any 2018 per Laurent Lamarca. Fill de músics aficionats, va néixer a prop de Lió, on es va iniciar amb el primer grup, amb els seus cosins, a l'edat de 12 anys, i després continuar amb un altre grup anomenat Mariani. Es va traslladar a París per exercir la seva activitat de músic professional. Escoltem avui a Laurent Lamarca amb el seu Vol de signes, una cançó que us encantarà. Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des signes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent. Ouais, le vol des signes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu, tendresse, manquait tant à notre estime, on suit le vol des signes. Le vol des signes. Genial la col·laboració de l'Àngel Rodríguez amb Loren Lamarca i aquest Vol dels Cignes que ens acaba d'oferir. Més endavant anem escoltant altres cançons que ens acompanyen a través del programa d'avui i ho farem amb una jove intèrpret també i excepcional. Atenció a la Amélie Laroque. Amb cançons com aquestes ens ha conquerit a tots nosaltres. Je t'offrirai ce que tu n'as pas encore goûté. Allez, viens, toi, petite fille chaste. Quand mes regards te frôlent, tu deviens vite à mes pieds. Allez, viens, toi, petite fille cruche. Je trouverai les mots pour que tu lèches mes pensées. Allez, saoule-toi, petite fille folle. De mes va-t'en et mes je te pardonne cette fois. Allez, croque-moi, petite fille frêle. Mords-moi la peau, mords-moi les os, avale tout de moi. Allez, donne-moi, petite fille fleur. Ton corps, ton âme inhabité par d'autres que moi. Sans délai. fille blessée. Toi qui avais espoir de grandir à mes côtés. Mais là tu t'en vas rejoindre je ne sais quoi. Emporte tes chagrins de petite fille avec toi. Et là tu t'en vas pour de bon, tu me dis. La petite fille a trop souffert pour changer d'avis. Mais il me suffit d'une prose. Quelques mots qui semblent vrais. De tes ennuis, j'étais la cause. Cette fois, je serai sage, mon amour. Je te le promets, mon tendre amour. Je te le promets. Et tu Així hem escoltat aquesta cantant que ens arriba recomanada per Ràdio Canadà, des del Canadà, concretament ens arriba des de la població de Sherbrooke i que ens portava aquestes cançons. Una jove vocalista, Amélie Laroque. No estem acostumats, jo almenys, a escoltar música en francès amb aquest estil, però n'hi ha de tots. És una noia autora, intèrpret, compositora i també els seus minutors com a actriu. Una excel·lent cantant, Ame, la coneixen els seus amics. Acabem ja el nostre programa, estem arribant al final i ho farem amb Charles Aznavour. Les parois de ma vie sont lisses. M'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. M'étant condamné, mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie. Pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Ce qui fut nous, qui fut toi.